La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'annonce de la mort de Garcia Marquez en 2014, alors qu'il était âgé de 87 ans, a provoqué dans le monde latino-américain une émotion à la hauteur du symbole littéraire et politique qu'il était devenu. Celui qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1982 avait même été adoubé par un autre prix Nobel, Pablo Neruda, qui avait consacré 100 ans de solitude comme le meilleur roman en langue espagnole écrit depuis Don Quichotte. Nos invités de cette semaine nous diront dans quelle mesure ils souscrivent ou non à cette assertion. Et nous commencerons par le demander demain à Rémi Astruc et Vincent Message, avec qui nous parlerons de la notion de grotesque dans l'œuvre de l'écrivain. Il sera également question de son recueil de nouvelles « Les funérailles de la grande mémé ». Mercredi, avec Caroline Lepage, nous nous lancerons dans une biographie de l'œuvre marquésienne. Enfin jeudi, Gustavo Guerrero nous parlera plus largement de la littérature d'Amérique latine, de son rapport personnel aussi à certains livres de Garcia Marquez et en particulier à « Chronique d'une mort annoncée ». Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Gabriel Garcia Marquez, nous sommes avec vous, Annie Morvan, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez traduit le livre de mémoires d'enfance et de jeunesse de l'écrivain intitulé « Vivre pour la raconter » qu'il a publié en 2002. C'est un livre que vous avez traduit chez Grasset en 2003 et qu'on ouvre sur une phrase qui est tout un programme, je la cite « La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient ». En quoi est-ce que cette phrase représente bien l'écrivain qu'était Gabriel Garcia Marquez ? Ça représente du moins, pour l'écrivain, le comment on s'en souvient, c'est-à-dire comment on l'écrit, quelle mise en forme on fait, qu'est-ce que l'on adopte pour raconter une histoire. Et dans le cas de ce livre-ci, donc de Vivre pour la raconter, donc il ne s'agit pas de sa vie, il s'agit de ce dont il se souvient, mais surtout de quelle façon il raconte ce dont il se souvient. Mmh. C'est ça le vrai sujet de ce livre. Je pense que le vrai, enfin, bien sûr, c'est le vrai sujet de la littérature, c'est-à-dire comment on écrit et comment on raconte. Donc la vie d'un écrivain et la vie de Garcia Marquez, c'est ça, c'est apprendre à raconter. Toutes ses années de jeunesse, il a appris à raconter. Ouais. Et ensuite, il a raconté merveilleusement bien, je veux dire. Alors, c'est un formidable livre. Il y a un autre livre qui raconte la vie de Gabriel Garcia Marquez. C'est la biographie qui a été écrite par Gérald Martin, qui a paru chez Grasset en 2009. Et là, Garcia Marquez disait lui-même à Gérald Martin que tout le monde a trois vies. Alors, il y a une vie publique, une vie privée, et puis il y a une vie secrète. Ouais. Donc la vie secrète, elle est secrète. Personne ne la connaît. Uh-huh. Donc c'est très difficile. Je vois que qu'on m'avait envoyé un petit mot, l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui, c'était la vie secrète. Mais la vie secrète, personne ne la connaît. Donc on peut lire « Vivre pour la raconter », on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus et je crois qu'il n'a jamais laissé personne en savoir plus. Parce qu'il disait quand même, et il l'avait dit à Gérald Martin, « Allez voir dans mes livres si vous voulez me comprendre ». Oui. Et vous qui avez traduit beaucoup pour de le comprendre, hein, oui, « Allez voir dans mes livres pour me comprendre ». Mais même, je crois qu'on peut, en lisant ces mémoires, on peut le comprendre aussi. Elles ne sont pas aussi roses que l'on voudrait bien le croire. Vous allez nous raconter tout ça. Ceux qui m'ont connu à l'âge de 4 ans disent que j'étais pâle et replié sur moi-même et que je n'ouvrais la bouche que pour dire des incongruités. Mais mes histoires étaient pour la plupart des épisodes de notre vie quotidienne que je rendais plus attrayants en les émaillant de détails fantastiques pour que les adultes m'écoutent. Ma plus grande source d'inspiration était les conversations que les grandes personnes tenaient devant moi en pensant que je ne les comprenais pas, ou celles qu'ils avaient à mots couverts pour que je ne comprenne pas. Mais c'était tout le contraire. Je les absorbais comme une éponge. J'en démontais tous les mécanismes, les maquillais pour en escamoter l'origine. Et quand je les restituais à ceux-là même qui les avaient tenus, ils restaient perplexes devant les coïncidences entre ce que je leur disais et ce qu'ils pensaient. Parfois, quand je n'avais pas la conscience tranquille, je tentais de le dissimuler par de rapides battements de paupières. Si bien qu'un rationaliste de la famille conseilla de me conduire chez l'oculiste, lequel attribua ces clignements à une infection des amygdales et prescrivit un sirop iodé à base de radis qui me fut très utile pour calmer les adultes. De son côté, ma grand-mère parvint à la conclusion providentielle que son petit-fils était un devin. Un extrait de Vivre pour la raconter, lu ici par Michel Villermoz. Alors les souvenirs d'enfance, tels qu'il les raconte, Garcia Marquez, il semble décrire une période enchantée, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas. Et quand on traduit vraiment, quand on passe du temps avec ce texte autobiographique, on décèle autre chose, c'est ça ? On décèle autre chose. Il a été élevé, donc je crois qu'il faut d'abord bien situer géographiquement et culturellement où est né Garcia Marquez et où il va situer toute son œuvre. Donc la géographie d'Aracataca, je veux dire où est ce petit village où il est né, c'est le nord de la Colombie. Alors le nord de la Colombie, c'est la côte caraïbe. Et là, c'est une population assez métissée, il y a encore beaucoup d'Indiens. Ça a été une population aussi qui a fait dans la colonie du commerce avec l'Espagne et avec les Indes. Et c'est une zone tout à fait exubérante. Enfin, je veux dire, c'est les Antilles. C'est vraiment les Caraïbes. On fait la fête, on chante, on danse. Et donc, il est imprégné de cette culture dès son enfance. Quand il dit « j'absorbais tout comme une éponge », c'est ça aussi qu'il absorbe. Donc, il faut bien voir que c'est un endroit très particulier de la Colombie. Donc, le paysage est important. Le paysage, la culture, la façon de vivre est complètement différente du reste du pays. Aracataca, c'est bien sûr le village de Macondo, ce village fictif qu'on retrouvera dans beaucoup de ses œuvres. Voilà, qu'on retrouvera dans toutes ses œuvres. Et je veux dire, le livre s'ouvre, en fait, ses mémoires s'ouvrent non pas sur sa naissance à lui, mais sur le jour où, à 23 ans, il va avec sa mère pour retourner à Aracataca, où il n'est pas retourné depuis des années, et où il découvre tout à coup le village de son enfance, il le voit avec les yeux de l'écrivain. Là, il saisit un monde qui jusque-là, jusqu'ici, littéraire, un monde littéraire qui ne lui était pas apparu jusqu'ici. Donc, je pense que le début de ses mémoires, c'est la naissance d'un écrivain. C'est pas la naissance de Gabriel Garcia Marquez lui-même, mais c'est la naissance de l'écrivain. Alors, il y va avec sa mère, qu'il a à peine reconnu, paraît-il, enfin c'est ce qu'il explique, au moment où elle vient lui demander de venir dans la maison. Alors la maison, il suffit de dire la maison, on sait très bien, enfin Gabriel Garcia Marquez sait très bien qu'il s'agit de la maison d'enfance. Pourquoi est-ce qu'il reconnaît à peine sa mère à ce moment-là ? Alors, bon, pourtant il l'avait vue il n'y avait pas si longtemps, mais je pense qu'il y a aussi il y a une allusion au fait qu'étant petit, enfant, donc il a vécu avec ses grands-parents. De l'âge de 2 ans et demi à l'âge de 7 ans. Parce que la mère de Garcia Marquez, c'est la fille du fameux colonel Marquez, ce grand-père absolument mythique, qui avait fait la guerre au 19e siècle, la guerre civile, qui avait été presque un héros régional, disons, en s'étant battu du côté des libéraux, de la partie, disons, progressiste, et qui était à Aracataca, un notable, il était percepteur, c'était quelqu'un quand même d'assez avec un pouvoir. C'est d'ailleurs à lui qu'appartenait cette grande maison dont on parle. Et donc la grande maison est la maison des grands-parents, donc du colonel Marquez, où Gabriel Garcia Marquez a été élevé entre l'âge de 2 ans et demi et de 7 ans, parce que la mère de Garcia Marquez, donc c'était ses grands-parents maternels, la mère de Garcia Marquez s'était entichée d'un télégraphiste qui ne plaisait pas du tout à la famille, et le père les avait chassés de la maison, enfin le grand-père les avait chassés de la maison. Donc la mère de Garcia Marquez n'a été autorisée à retourner à Aracataca que le jour pour accoucher. Et là, comme elle avait avec son mari de grandes difficultés financières, elle a laissé Gabriel Garcia Marquez, qui était l'aîné, qui était le premier-né, elle l'a laissé à la garde de ses grands-parents. Et Garcia Marquez, jusqu'à l'âge de 7 ans, n'a vu sa mère que très sporadiquement. Elle habitait ailleurs, à Barranquilla. Donc quand il était petit, quand il la voyait, quand le grand-père l'emmenait au village de sa mère, ou quand sa mère venait le voir, il ne la reconnaissait pas. Et donc, je pense que ici, cette allusion, je ne l'ai pas reconnue, ça fait allusion à ça, à sa mère que tout petit, il ne reconnaissait pas. Alors, on va revenir un peu sur tous les personnages de son enfance. Il faut peut-être dire quand même que il a toujours voulu devenir écrivain, Garcia Marquez, ou en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Est-ce que ça vous semble vrai que oui. Dès l'enfance, il voulait devenir écrivain ? Oui, ça me semble vrai, parce que, comme on l'a bien entendu dans l'extrait, c'était un enfant qui débordait d'imagination. C'était un enfant qui, étant élevé avec des gens âgés, le grand-père et la grand-mère, avec d'une part un grand-père qui était donc un soldat, hein, qui était un homme avec les pieds sur terre, de la réalité, mais une grand-mère qui, elle, était la caribéenne, la Caraïbe par excellence, c'est-à-dire dans tout ce qu'on peut imaginer dans ces villages à l'époque, de superstitions, d'enchantements, elle racontait ses rêves qui étaient épouvantables. Donc, il vivait dans une maison avec les femmes, qui racontait parfois des choses terrifiantes. Donc, il a été nourri de ça. Il a été nourri d'histoires souvent invraisemblables, de magie, d'histoires qui n'avaient ni queue ni tête, mais qui appartenaient à cette culture caraïbe. Il a été nourri de ça. Et qui l'empêchait de dormir. Et qui l'empêchait de dormir. Il a eu des cauchemars jusqu'à l'âge de 20 ans, hein, toutes les nuits. Hein, il faisait des cauchemars épouvantables. Donc, je veux dire, cette ambiance-là a développé une imagination débordante chez un enfant qui était très seul, qui était chétif. Et quand je dis très seul, je dirais plutôt très solitaire. Et qui tout de suite, à l'âge de 6 ans, s'est plongé dans la lecture. La lecture, et puis aussi, il s'est plongé dans les fictions et les histoires que racontait Absolument, à la fois sa grand-mère et puis son grand-père qui lui a raconté les épisodes les plus sanglants de la violence colombienne. Il y a quand même cette violence toujours chez Garcia Marquez et qui est présente dès l'enfance. Elle est présente dès l'enfance parce que la Colombie est une terre violente, est une terre de violence et il va la subir tout au long de sa vie. Son grand-père a tué un certain nombre de personnes, et il a rencontré le petit-fils d'un des hommes tués par son grand-père. Alors c'était une histoire de duel, hein, où le grand-père a tué en duel quelqu'un qu'il ne voulait pas tuer, et qui a été pour lui, il s'en est repenti toute sa vie. Et un beau jour, je sais pas, 30 ans après, le petit-fils de cet homme que le grand-père avait tué est venu voir Garcia Marquez, et ils se sont bien évidemment réconciliés. Oui. La violence, c'est aussi quand il découvre enfant le cadavre de Don Emilio, un ami de la famille qui s'est suicidé. Alors, ce cadavre s'est repris, cette histoire avec le cyanure d'or. En fait, c'est une histoire qu'il reprend dans l'ouverture d'un de ses romans, L'amour au temps du choléra, où effectivement c'est un médecin qui s'est suicidé avec du cyanure d'or, et on a trouvé son chien au pied de son lit, et Garcia Marquez raconte ça dans la fiction, mais reprend ça dans Vivre pour la raconter. Oui, il est très impressionné, hein, bien sûr. Il était toujours impressionné par la mort. Enfin, c'est quelqu'un qui avait très peur de la mort, et ses premières nouvelles dont on parlera plus tard, peut-être, les toutes premières, sont des nouvelles morbides et terribles. Il avait peur d'être enterré vivant. Oui. Alors son grand-père est mort quand il avait 8 ans, et il dira, depuis lors, il ne m'est rien arrivé d'intéressant. C'est une formule, ça ? Oui, je pense. Il lui est arrivé beaucoup de choses intéressantes, mais je pense que la mort du grand-père, il avait 7 ans quand il est mort. Je pense que la mort du grand-père, et en fait, il n'en a jamais fait le deuil. De son grand-père. Parce que c'est lui vraiment qui l'a construit avec les pieds sur terre. Il a toujours été partagé entre avoir bien les pieds sur terre et être dans la réalité et cette imagination fantasque. Vous écoutez La Compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Il faut parler un petit peu quand même de la pauvreté de Gabriel Garcia Marquez, enfant. Il restera pauvre jusqu'à la publication de 100 ans de solitude, mais c'est évidemment dans l'enfance que ça le marque le plus. D'ailleurs, il en parle beaucoup dans Vivre pour la raconter, de cette pauvreté. La très grande pauvreté. Parce que donc le père de Gabriel Garcia Marquez avait été un télégraphiste, il a dû abandonner, laisser tomber ce métier, et il est devenu pharmacien homéopathique. Bon, dans les années 20, ça voulait tout dire. À la fois, il connaissait certainement les plantes, etc., mais c'était une espèce de guérisseur. Et il essayait d'ouvrir des pharmacies dans différents endroits de la région, qui successivement faisaient faillite les unes après les autres. En fait, dans la faillite, la mère de Garcia Marquez, pendant que son mari essayait de parcourir les régions et les endroits des Caraïbes pour soigner des gens en attendant de pouvoir rouvrir une autre pharmacie ailleurs, elle élevait les enfants. Et elle était donc toute seule. Bon, elle a eu quand même 11 enfants. Et Garcia Marquez... Pas tous légitimes d'ailleurs. Ah, les enfants de la mère de Garcia Marquez, oui, les 11 enfants sont des enfants légitimes. Mais le père, qui était aussi plus que volage, hein, en avait fait ailleurs. Donc, en fait, ils étaient 15 dans la famille. Entre les 11 légitimes et 4 illégitimes, ils étaient 15. Et donc, la mère était bien obligée de subvenir aux besoins de la famille. Ce qu'elle pouvait pas faire, parce qu'elle avait déjà des enfants à élever. Quand Garcia Marquez est parti de chez ses parents à 7 ans, il avait déjà 4 frères et sœurs. Donc celui qui a été obligé, d'une certaine façon, tout petit, c'est-à-dire à partir de l'âge de 10 ans, de subvenir ou d'essayer de subvenir aux besoins de la famille, ça a été Gabriel. Mmh. Et Gabriel, pour ça, il faisait du porte-à-porte, il distribuait des prospectus, il faisait des concours de chant à la radio. Et la famille vivait non pas dans un état de pauvreté, mais d'indigence. La famille était misérable. Et ça, c'est resté quand même le cas pendant assez longtemps. Il a raconté, je crois que c'était en 2007, à une réunion de l'Association de la presse interaméricaine, c'était à Carthagène, qu'il y avait eu, du temps de 100 ans de solitude, un épisode où il avait dû envoyer le manuscrit par la poste et qu'il n'avait pas eu assez d'argent pour l'envoyer en entier. Vous pouvez nous raconter ça? Mais bien sûr. Alors, bon, il est arrivé là, il était déjà, il avait 40 ans, hein, je signale au passage... que entre le voyage à Rakataka avec sa mère, où il comprend, il sait qu'il va écrire une grande œuvre, il veut écrire une grande œuvre, et le moment où cette grande œuvre paraît, il y a 17 ans d'écart. C'est-à-dire que 100 ans de solitude, c'est 17 ans de gestation dans sa tête pour pouvoir arriver à faire ce roman. Mais jusque-là, il a toujours vécu dans la pauvreté, dans l'indigence, presque la misère quand il était enfant, et quand il était au lycée, et quand il était à l'université. Puis il a gagné sa vie, mais il n'a jamais été riche. Donc quand il est à Mexico, c'est pareil, il est exilé, il n'a pas un sou parce qu'il a très peu publié, les livres ne rapportent pas, et donc il n'a même pas l'argent pour envoyer la totalité de son manuscrit, de 100 ans de solitude, en Argentine. Il est obligé de l'envoyer en deux parties, et il envoie la deuxième partie au lieu d'envoyer la première, il se trompe. Mais revenons à un moment là où tout commence, c'est-à-dire dans l'enfance, à Aracataca. Mon souvenir le plus vif et le plus constant ne tourne pas autour des personnes, mais de la maison, celle d'Aracataca, où je vivais avec mes grands-parents. C'est toujours le même rêve qui persiste encore aujourd'hui. Mieux encore, tous les jours de ma vie, je me réveille avec l'impression, vraie ou fausse, d'avoir rêvé que je suis dans cette maison. Pas que j'y suis revenu, mais bien que je m'y trouve, sans âge et sans aucun motif particulier, comme si je n'avais jamais quitté cette vieille maison énorme. Et pourtant, jusque dans mon sommeil, j'ai gardé ce sentiment très fort à l'époque, la peur du noir. C'était une sensation irrémédiable qui commençait toujours à la tombée de la nuit et qui me tourmentait encore en dormant, jusqu'au moment où je voyais la lumière d'un jour nouveau à travers les fentes de la porte. Je n'arrive pas à définir les choses clairement, mais il me semble que cette peur avait une origine concrète. C'était dans la nuit que prenaient corps tous les fantasmes, toutes les prémonitions et tous les récits de ma grand-mère. L'image qui me vient à l'esprit pour décrire mes rapports avec elle serait une sorte de cordon invisible par lequel nous entrions tous deux en contact avec un univers surnaturel. Le jour, cet univers magique de ma grand-mère me fascinait, je le vivais, c'était mon propre monde. Mais la nuit, il m'emplissait de terreur. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me réveiller en sursaut, en proie à cette horrible peur d'être seul dans le noir. Et il me faut toujours quelques minutes pour réaliser ce qui m'arrive et me rendormir. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors ça, c'est l'univers de la maison, celui qui est en rapport avec la grand-mère et l'univers un peu de la magie. Est-ce que l'école, à Arakataka d'abord, c'est ça aussi? Ou est-ce qu'on est justement à Nimorvan dans un autre univers? Alors l'école à Arakataka, je ne sais pas trop, il n'en parle pas beaucoup. Il est, ou à Carthagène après. Oui, alors, bon, l'école, c'est très chaotique chez Garcia Marquez. Parce que il va à une école Montessori qui existait à Arakataka à cette époque-là. Il commence sa primaire. Ensuite, il doit partir, après la mort du grand-père, il part à Barranquilla avec ses parents. À Barranquilla, ils sont dans une misère noire, donc il doit aider la famille. Et il va pas à l'école. Donc, quand sa mère décide enfin son mari à mettre Gabriel à l'école, ce qu'elle fait parce qu'elle sent bien que en plus de ça il est intelligent, il est hors norme, hein, Garcia Marquez, il est hors norme, mais il a des lacunes absolument considérables. Il sait lire, il lit tout ce qui lui tombe sous la main, mais il sait à moitié pas écrire. Il a des lacunes en orthographe, en orthographe surtout, qui vont durer jusqu'à sa vie adulte, hein. Il a des lacunes en mathématiques, il a des lacunes en histoire, partout. Bon. Mais il arrive à réussir une scolarité parce que il séduit justement ses maîtres, les directeurs d'école et ses professeurs, par cette imagination débordante, ce talent de raconteur, de raconteur d'histoire, et par sa capacité à inventer. Pourtant, il y a le frère Reyes qui le harcèle. Oui, bien sûr, mais heureusement qu'ils étaient là, finalement, d'une certaine façon. Il raconte lui-même très bien comment l'école a été un carcan pour lui, parce qu'il était tellement habitué chez les grands-parents à vivre en toute liberté que l'école a été un carcan. Mais il a très vite compris aussi que d'abord, c'était un moyen d'échapper à ses parents et à ses frères et sœurs, parce que la vie devenait insupportable, donc il fallait qu'il y aille, et ensuite qu'il fallait qu'il comble ses lacunes. Mmh. C'était un grand bûcheur, hein, en fait. Alors il les a pas tout à fait comblés, parce que je crois que ses correcteurs étaient tout à fait épouvantés par les fautes d'orthographe qu'on trouvait dans ses manuscrits. C'est ce qu'il dit. Vous ne pensez pas que c'est je vrai? Je ne sais pas. En tout cas, il va publier ses premiers écrits au collège. Il appelle ça ses fadaises. À quoi ça ressemble, les fadaises de Garcia Marquez? C'est des petites vignettes, des petits portraits assez humoristiques sur les professeurs, sur ses camarades de classe, mais qui sont tellement pleines d'humour et de fantaisie que, évidemment, ça va l'aider à quand même pouvoir passer d'une classe à l'autre tout en ayant ses lacunes dans autre chose. Il n'a pas tout à fait renié ses fadaises. Il appelait ça mon opéra prima. Il y a une forme de tendresse quand il y repense, visiblement. Et puis, en plus d'écrire, c'est quelqu'un qui lit tout ce qui lui tombe sous la main. Tout. Et peut-être en particulier les œuvres du siècle d'or. Je crois qu'il exaspérait pas mal ses professeurs. Ça, c'est plus tard. C'est quand il est au collège. Donc quand la mère, ils sont à Barranquilla, le père est mort depuis longtemps, il a 11 ans, c'est après le voyage à Sucre. En fait, tout ça est très chaotique, hein, parce que ils vont d'une ville à l'autre, alors que les pharmacies font faillite successivement. Ouais. Et donc, quand la mère fait pression sur le père pour l'envoyer au collège, et que il y va contraint et forcé, il trouve que c'est une prison, mais il comprend que c'est un moyen d'échapper à cette vie quand même très dur, hein, très très dur, qu'il vit avec ses parents, ses frères et sœurs, il se plonge dans la lecture. Et là, effectivement, c'est là qu'il découvre tous les grands auteurs du siècle d'or espagnol. Et pour lui, ça va être une révélation. Alors, il les dévore, il lit tout, il retient tout. Il a une mémoire d'éléphant. Il est hors norme, quoi, extraordinaire. Et pendant les vacances, on l'envoie encaisser les impayés de la pharmacie à la Hora, par exemple, donc un bordel aux environs de la ville. Il y a un rapport au sexe qui est aussi très présent et très qui arrive très très vite finalement dans la vie de Garcia Marquez. Oui, mais là aussi on est aux Caraïbes. Donc aux Caraïbes, il faut dire que c'est quand même, enfin je suppose que ça devait être pareil dans les Antilles, c'est la même chose à Cuba, dans toute cette région-là. Je veux dire, on épouse la jeune fille vierge, pure et sans tache. Et le reste, rien. Donc, il reste le bordel. Et le bordel était monnaie courante. Je veux dire, tous les garçons, tous les hommes allaient au bordel. Tous les garçons faisaient leurs premières expériences sexuelles au bordel. Et Garcia Marquez a lié, comme beaucoup de gens de sa génération, des amitiés avec beaucoup de prostituées. Mmh. Alors, l'histoire de l'impayé, lui, il le raconte comme une expérience, bon, la première expérience est seule, incroyable. Ce que dit son biographe, c'est que ça a été terrible, parce qu'il l'a vécu comme un viol. Et que, au fond, ça a été très, très difficile pour lui de se remettre de ça. Oui, parce qu'au fond, c'est elle qui l'attire. C'est elle qui l'attire. Et en fait, quand il dit « j'ai cru mourir », il le dit dans « Vivre pour, dans ses mémoires »,« j'ai cru mourir », il faut pas lire « j'ai cru mourir de plaisir », c'est « j'ai cru mourir de peur ». Mais alors c'est de la pudeur qui fait qu'il ne le dit pas comme cela dans ses mémoires ? Oui, de la pudeur, et c'est transformé par le récit lui-même de ce qu'il veut en raconter, justement. C'était quelqu'un de très timide. Hein. C'est toujours été un enfant et un adolescent, solitaire, timide, qui s'intégrait pas aux activités collectives du collège et non plus du lycée. Et donc, quand ses petits copains, ses petits camarades jouaient au football, lui, il était dans un coin à lire. Alors, à 18 ans, il va publier sa première nouvelle dans un bon journal qui s'appelle L'Espectador, journal de Bogota. Parallèlement, il s'était inscrit à la faculté de droit et puis il va rapidement publier 12 contes vagabonds que vous avez d'ailleurs traduit, Annie Morvan, aux éditions Grasset en 1993. On peut les trouver aujourd'hui au livre de poche. Est-ce qu'il y a déjà Garcia Marquez en germe dans ces contes-là ? Oui, oui, bien sûr. Il y a déjà Garcia Marquez en germe dans ces contes-là. Mais les tout premiers... Alors, c'est pas les 12 contes vagabonds qui sont les premières nouvelles. C'est dans un recueil qui s'appelle « Des yeux de chien bleu » et où on trouve effectivement les toutes premières nouvelles qu'a publié le journal El Tiempo à Bogota quand il était déjà étudiant. Mmh. Donc, c'est bien après les années de lycée qui, là aussi, ont été très, très dures pour lui, mais... providentiel, vraiment providentiel, parce qu'il a eu la chance inouïe de pouvoir être admis dans un lycée national, alors que dans le secondaire à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 30, il n'y avait que 40 000 élèves dans tout le pays qui étaient élèves du secondaire. Donc ça a été une chance inouïe et il a toujours su saisir ces opportunités-là. Alors, à la fin des années 40, il faut parler aussi un petit peu de politique en Colombie, parce que c'est le moment de l'assassinat de Jorge Eliécer Gaitán. Il faut peut-être rappeler un tout petit peu qui était cet homme de gauche et en quoi ça a pu être très important pour Garcia Marquez, comme pour tout le pays, évidemment. Alors, c'était un homme politique très connu, libéral. Ici, on pourrait, disons, entre libéral et conservateur, qui était toujours la division, la grande division, aujourd'hui encore, dans la politique colombienne, c'était, disons, le progressiste. Et cet homme était donc déjà très connu, c'était un grand tribun, et il était candidat à l'élection présidentielle. Donc, ça, c'est en 48, quand Garcia Marquez est à l'université de droit, parce que le père voulait absolument qu'il fasse du droit, pensant que c'était lui qui allait sauver la famille, qu'il allait faire partie de l'élite colombienne et qu'il deviendrait avocat, ministre ou même président de la République. Bon, d'une certaine manière, il s'est pas trompé, il s'est juste trompé. Bon, il s'est juste trompé de registre. De registre. Mais et que Garcia Marquez faisait ça vraiment, il fichait rien, hein, il suivait pas les cours, il ne faisait qu'écrire. Donc. Il est en 47-48 à Bogota comme étudiant, et là est assassiné ce leader politique, et c'est raconté de façon absolument magistrale dans les mémoires. Parce que ça engendre une vague de fureur absolument incroyable, oui, à Bogota. Oui. Et alors je peux faire une petite parenthèse. Donc, dans la façon dont il raconte l'assassinat de Gaïtan, alors je ne sais pas s'il a été le témoin direct, je ne pense pas, mais il habitait juste à côté, il raconte qu'il y a un homme mystérieux, très bien habillé, qui était présent lors de l'assassinat de Gaïtan et qui s'est éclipsé par la suite. Donc, il laisse entrevoir qu'il y a eu un complot politique. Mmh. Et cette idée-là est reprise aujourd'hui par un plus jeune écrivain colombien, par Juan Gabriel Vázquez, qui en fait le point de départ de son roman Le corps des ruines. C'est aussi d'ailleurs à cette époque-là qu'il va rencontrer Fidel Castro à l'université de Bogota. Oui, mais il n'est pas politisé à l'époque. Hein. Je veux dire, il est encore complètement dans la littérature, bien qu'il ait été quand même très traumatisé par cet extraordinaire mouvement de masse qu'il y a eu, hein, cette rébellion de masse très violente et très violemment réprimée à Bogota. Alors on continuera en seconde partie de parler de politique vue par Gabriel Garcia Marquez juste après dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la revue Page des Libraires, c'est avec vous Anne-Sophie Rouvelou, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler de trois romans américains que vous conseillez en particulier aux auditeurs. Le premier s'appelle Miss Jane de Brad Watson et c'est chez Grasset. Tout à fait, parce que ce week-end avait lieu le Festival America à Vincennes, donc je me suis dit que voilà, on allait essayer de choisir des petits incontournables de la rentrée littéraire. Et donc, on démarre avec Miss Jane, comme vous l'avez dit. Donc, c'est un roman qui démarre tout du moins en 1915, lorsque naît Jane, donc une petite fille. Ça se passe dans une ferme dans le Mississippi. Et très vite, le médecin de famille va se rendre compte qu'elle a un problème, qu'elle ne s'est pas développée correctement et elle va avoir des soucis d'incontinence. Donc, vous imaginez bien qu'elle va devoir apprendre à ruser, à exercer un contrôle sur soi-même pour essayer d'être, comment dire, normale, parce que c'est un petit peu son souhait de tous les instants. Toute sa vie, elle va essayer d'être normale. Mmh. Sauf qu'évidemment, c'est pas si simple. Et donc, nous, on va la regarder grandir, vieillir, alors qu'autour d'elle, la Grande Dépression rejaillit un petit peu aussi sur le milieu ouvrier. Donc, c'est un roman de formation. C'est le récit d'une vie qui est pas comme les autres, une vie de solitude, parce que c'est très compliqué pour elle. Et en fait, il y a une certaine, c'est dans cette simplicité-là, ce désir de vouloir simplement vivre comme n'importe qui, que l'ouvrage, il gagne en intensité. Ce qui est extrêmement génial aussi, c'est qu'il y a un médecin de campagne, donc le fameux, hein, que j'ai évoqué, qui va la suivre toute sa vie en échangeant avec des confrères pour voir s'il y a des progrès qui vont pouvoir avoir lieu pour pouvoir aider cette jeune fille. Donc c'est extrêmement touchant. Et pour la petite anecdote, j'ajouterai qu'il lui offre un cœur simple de Flaubert à un moment de l'ouvrage et que, en y réfléchissant, quand on termine le livre, il y a des parallèles, des choses qui ressemblent justement à ce récit de Flaubert, et c'est extrêmement beau. Miss Jane, c'est donc votre premier conseil, Anne-Sophie Rouvelou. Le deuxième, c'est le Mars Club de Rachel Kushner, et ça paraît chez Stock dans la collection Cosmopolite. Tout à fait, donc c'est le nouveau roman de l'auteur des Lance-Flammes, et donc cette fois-ci complètement, c'est un sujet complètement différent. On part en Californie, où on fait la connaissance de Romy Hall, qui est une ancienne stripteaseuse, qui est un petit garçon, et donc elle vient d'être incarcérée. Elle a été condamnée à deux fois la perpétuité, parce qu'elle ça a... Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, parce qu'elle a, elle a assassiné un homme, sauf que cet homme-là, il l'a harcelé. Donc on voit dès le départ qu'il y a un gros souci au niveau de la justice, et la seule chose qui va la faire tenir, c'est qu'elle a donc ce petit garçon dont sa mère s'occupe, sauf que sa mère décède dans un accident de voiture, donc elle perd tout, elle n'a plus aucune nouvelle de son petit garçon, elle perd la garde parentale. Donc on la suit hein, dans ses réflexions, dans cette espèce... Elle essaie de trouver une solution, justement, pour pouvoir un petit peu avoir des nouvelles de son fils. Elle se souvient de ce qui s'est passé dans sa vie d'avant quand elle était à San Francisco, donc on parle dans les années 80. Donc c'est assez foisonnant, on a les co-détenus, enfin on a plein de choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment loin du rêve américain. On est dans la rue, le réconfort, il se trouve dans l'héroïne. Donc vous voyez, c'est la réalité, c'est une certaine réalité que justement l'auteur a voulu évoquer, sachant que du coup, si vous regardez dans le dernier numéro de page, j'ai eu la chance justement de l'interviewer, et donc elle insiste beaucoup sur ça. Ce n'est pas qu'un récit de femme en prison, c'est aussi un petit peu un instantané de la société américaine de maintenant, dans tout ce qu'elle peut avoir, dans ses contradictions, la manière dont elle est construite, ses excès. Donc voilà, c'est vraiment un instantané de la société américaine d'aujourd'hui. Voilà, le numéro de page qu'on peut d'ailleurs se procurer gratuitement dans n'importe quelle, peut-être pas tout à fait n'importe quelle, mais dans les meilleures librairies de France. Le troisième livre dont vous voulez nous parler, c'est Made in Trenton de Tadzio Kolb, et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors oui, c'est vraiment un surprenant premier roman, puisqu'on part donc dans la ville, une petite ville qui s'appelle Trenton, donc aux États-Unis toujours, on est en 46, dans le milieu ouvrier, et on fait la connaissance d'un certain Abe Kunstler. Il porte des bandages sur tout le corps, et donc il travaille à l'usine, et il explique qu'il est un mutilé de guerre, et que voilà, c'est pour cacher ses blessures, sauf que c'est un mensonge. Et lorsqu'il va retirer ses bandes de tissu, on se rend compte qu'Abe est en réalité une femme. Mmh. Donc là, évidemment, je vous dis la grande surprise. Vous inquiétez pas, ce n'est pas que ça. C'est au début, c'est pas. Voilà, je viens pas de vous ruiner le plaisir. Et donc, au départ, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va suivre Abe qui a un plan, qui va jeter son dévolu sur une jeune femme qui aime beaucoup boire et danser. Et donc voilà, il va imaginer un plan pour elle que cette fois-ci je vous laisse découvrir. Ce qui est très intéressant, c'est que la première partie, on est vraiment dans du roman noir, c'est-à-dire qu'on a une ambiance électrique, on a une violence un peu larvée comme ça, qui rappelle ce genre, mais on part dans la deuxième partie. Quand la deuxième partie s'ouvre, ça démarre 30 ans plus tard. Donc vous voyez que l'ouvrage, de par sa construction, il est extrêmement original. Et j'ajouterais que, évidemment, dans ce récit, on est du côté des travailleurs. C'est un point de vue qui est extrêmement intéressant. On réfléchit sur la question du genre, avec Abe, qui lui aussi a un destin particulier. Et je rajouterais juste que le titre « Made in Trenton », une fois que vous aurez terminé l'ouvrage, il a vraiment une portée, une dimension glaçante, parce que « Made in Trenton », c'est évidemment ce qui a été fabriqué à Trenton, mais c'est aussi le rôle que s'est construit Abe, et c'est le fait d'être coincé dans un endroit, quoi qu'on fasse. Merci beaucoup Anne-Sophie Rouvelou. Si on veut en savoir plus, on peut évidemment donc lire vos articles dans Page des libraires, ou aller vous voir à la librairie L'Écriture, à Vaucresson. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Annie Morvan pour une première émission consacrée à Gabriel Garcia Marquez, dont les débuts dans l'écriture sont marqués par son travail de journaliste. Et l'un de ses premiers articles concernera une catastrophe meurtrière à Medellín, un éboulement qu'il a relaté dans son autobiographie « Vivre pour la raconter ». C'était un endroit pelé et inhospitalier situé sur la route de Medellín, à Rio Negro, qui à 8h du matin n'avait plus pour habitants que des victimes. Les stations de radio avaient grossi la nouvelle en donnant des détails sanglants et en lançant des appels au secours, si bien que les premiers volontaires étaient arrivés avant les pompiers. À la mi-journée, deux nouveaux éboulements s'étaient produits sans faire de victimes, mais la nervosité était à son comble et une radio locale s'était installée sur place pour retransmettre la catastrophe en direct. Presque tous les habitants des quartiers et des villages voisins étaient sur les lieux, ainsi que les curieux accourus des quatre coins de la ville aux appels de la radio. Et les passagers descendus des autobus ne faisaient qu'accroître la pagaille. En plus des quelques habitants ensevelis sous les pierres le matin, les éboulements successifs avaient fait quelque 300 victimes. Mais en fin d'après-midi, plus de 2000 volontaires continuaient d'apporter des secours incohérents aux survivants encore sous le choc. À la tombée de la nuit, il n'y avait plus un seul endroit où respirer. À 6 heures, la foule était compacte et le chaos indescriptible quand 600 000 mètres cubes de terre et de pierre avaient roulé tout à coup dans un épouvantable fracas, faisant autant de victimes que s'ils étaient tombés sur le parc Berriot. Une catastrophe si soudaine que le docteur Javier Mora, délégué aux travaux publics de la municipalité, avait trouvé sous les décombres le cadavre d'un lapin qui n'avait pas eu le temps de détaler. Quand j'arrivais sur les lieux, 2 semaines plus tard, seuls 74 cadavres avaient été exhumés et de nombreux survivants étaient hors de danger. La plupart d'entre eux n'avaient pas été victimes de la catastrophe naturelle, mais de l'imprudence et d'une solidarité mal organisée. Comme pour les tremblements de terre, il fut impossible de calculer le nombre de personnes qui avaient profité de l'occasion pour disparaître sans laisser de traces, afin de ne pas payer une dette ou d'échapper à leur femme. Cependant, la chance eut aussi son mot à dire, car selon une enquête postérieure, le premier jour, tandis que l'on tentait de sauver des vies, une masse de roches avait été sur le point de se détacher de la montagne et de produire une avalanche de plus de 50 000 mètres cubes. 15 jours plus tard, avec l'aide des survivants remis du choc, je pus reconstruire l'histoire que dans la précipitation et le désordre du moment, personne n'avait pu raconter. Une lecture par Renaud Bertin. Alors Annie Morvan, est-ce que vous diriez que pour Garcia Marquez, écrire un roman ou écrire un article, au fond, ça procédait de la même démarche? Quel est le rapport finalement au journalisme de Garcia Marquez? Alors, il a toujours adoré le journalisme et il disait, lui, qu'il ne faisait pas grande différence entre le journalisme et la littérature. D'ailleurs, je crois qu'il ne lisait pas tellement de romans et il préférait lire la presse. Non. Enfin, dans sa jeunesse, il a lu beaucoup de romans, mais il a dit quand même qu'il lisait, préférait lire la presse. Il a lu beaucoup de romans. Hein. Dans sa jeunesse, il a eu une formation. Il s'est auto-formé, d'une certaine façon, à la littérature. Il a 25 ans, il a tout lu. Il a lu les auteurs contemporains, il a lu Faulkner, Virginia Woolf. Il a absolument une culture littéraire extraordinaire. Mais le journalisme, c'est vraiment ce qui lui a appris à écrire. Et il l'a fait, c'était le côté réaliste du grand-père, d'avoir les pieds sur terre, les mains dans le cambouis, et finalement découvrir une certaine humanité dans ses reportages. Et ça a été une telle révélation à la fois pour lui, mais aussi pour le journal qui l'avait engagé. Son premier journal, c'est Carthagène des Indes. Quand il retourne après l'assassinat de Gaïtan à Carthagène des Indes, il est engagé à l'Universal. On lui confie une chronique et il trouve ça tellement formidable qu'il en écrira 43 en un an dans la foulée. Donc, et pour lui, c'est aller au contact des gens, de l'être humain et de ce qui se passe. Et il y a donc, si vous voulez, en même temps, un apprentissage de l'écriture. C'est là qu'il l'a fait, vraiment, en étant journaliste, et un apprentissage politique. Les deux vont de pair. D'ailleurs, c'est pas encore un écrivain proprement parlé, il a pas encore écrit de livre, mais il a compris ce que c'était que l'écriture et à partir de quoi il devait raconter les choses, c'est-à-dire le réel. Mais on pourrait citer aussi son récit d'un naufragé qui date de 1955 et qui là est vraiment à la charnière à la fois du journalisme mais aussi de la littérature et aussi de la politique. Et chronique d'une mort annoncée en fait, où il reprend son écriture journalistique pour raconter une histoire à elle qui s'est réellement passée. Ce récit d'un naufragé qui raconte donc la mort de 8 marins d'un navire de guerre colombien tombé à la mer. Alors la marine avait dit que c'était un accident, mais c'était en effet un accident qui venait cacher que la marine de guerre transportait des marchandises qu'elle n'aurait pas dû transporter et qui étaient en l'occurrence mal arrimées. Alors en 1954, il a 27 ans et son journal, Le Spectateur, l'envoie en Italie pour couvrir la mort de Pie XII. Mais Pie XII, ne veut pas mourir, il reste tout de même en Italie. Et là, ça va être le moment européen de Garcia Marquez, Annie Morvan. Oui. Donc là, c'est déjà quand même un écrivain reconnu. Hein. C'est quelqu'un qui est une célébrité déjà en Colombie, même s'il continue à gagner peu d'argent. Mais ce voyage, enfin, il est envoyé à Genève et en Italie. Et donc c'est là en Italie qu'il découvre le cinéma, donc autre grande découverte, et ça va toujours être un passionné de cinéma. Il a d'ailleurs dire qu'il va même étudier un petit peu le cinéma. Il a essayé, mais je crois qu'il a compris qu'il n'était pas fait pour ça, parce que le cinéma c'est un travail collectif. Or le travail d'écrivain c'est un travail solitaire. Et Garcia Marquez dans ce qu'il faisait était un solitaire absolu. Donc il a compris que c'était pas pour lui. Et il en a eu toujours beaucoup de regrets. Mais ce qu'il faut dire ici alors avec ça, c'est qu'il rentre à Paris, et à Paris, quand il est à Paris, il y a un coup d'État. Alors avec cet homme politique qui était déjà en place, mais là qui devient vraiment un dictateur féroce, la censure est partout. La violence après l'assassinat de Gaïtan était partout en Colombie. Hein. Donc le journal est fermé et il se retrouve sans un sou. Donc à Paris, il vit dans un hôtel rue Cujas, mais il n'a pas de quoi payer. Donc heureusement, la patronne de l'hôtel lui fait crédit, il n'a pas de quoi payer. Il va chanter de temps en temps dans les cafés de la rue Monsieur le Prince. La rue Monsieur le Prince pour essayer de gagner un peu d'argent, mais il était vraiment sans un sou. Comme ça lui était arrivé si souvent hein, d'être sans un sou. Donc il va être aussi... Alors là, il est vraiment déjà très politisé. On en parlera peut-être un peu plus tard. Il est vraiment déjà très politisé. Mais c'est là qu'il va écrire... ce petit livre, pas de lettre pour le colonel. Alors il y a deux ça versions. Raconte une lettre qui n'arrive jamais, une pension qui n'arrive jamais. Voilà. Alors qui était inspirée, soi-disant, de la vie de son grand-père, le colonel Marquez, qui attendait une pension qui n'arrivait jamais. Mais le colonel Marquez n'était pas, lui, dans la misère. Par contre, lui, Garcia Marquez, attendait une lettre et un chèque qui n'arrivait jamais, et il était dans la misère. Donc, je veux dire, les deux se sont combinés pour qu'il puisse écrire ce livre à Paris. C'est le moment aussi où il oublie un roman dans le fond d'une valise, je crois, Annie Morvan. Ah, je me souviens plus de ça. Bon, enfin. Dans le livre, j'ai pu. Et puis, c'est aussi peut-être, l'époque oui. de son histoire d'amour avec Tachia. Je sais pas comment on prononce d'ailleurs. Tachia Quintana. Ouais. Alors ça, c'est une actrice espagnole. Ils resteront liés toute leur vie. Toute leur vie. Tachia est à Paris. Elle vit toujours. Oui, ça a été son grand amour. Et Tachia elle-même raconte que elle avait une petite elle vivait dans une petite mansarde, une petite chambre, aussi dans le quartier latin, et que quelquefois, ils n'avaient qu'un sachet de thé pour boire, ils n'avaient rien à manger. Et elle raconte cette histoire, cet amour avec Garcia Marquez, qui a été très fort, je crois, et ils se sont restés toujours vieux. D'ailleurs, l'édition française de Vivre pour la raconter est dédiée à Tachia. Y compris donc après son mariage, en retour, au moment où il retourne en Colombie, avec Mercedes, une belle jeune fille au trait égyptien. La jeune fille pure. Alors, il dit, ou son biographe, je ne sais plus si c'est lui qui le dit, ou son biographe, Gérald Maltin, que sa première colonne, ses chroniques à Barranquilla, dans le journal, s'appelait « La girafe ». Parce que c'était à propos de Mercedes qui paraît-il avait un long cou mince comme celui d'une girafe. Et alors l'histoire avec Mercedes, elle a été très enjolivée parce qu'on dit que ou lui-même l'a enjolivée, qu'ils se sont connus quand ils avaient 9 ans. C'est ça que c'était un destin inéluctable. Il faut le comprendre aussi comme on épousait la jeune fille pure et vierge. Donc, il s'est servi de ça parce qu'il racontait à tout le monde qu'il avait une fiancée qui s'appelait Mercedes. Et la fiancée, elle l'a toujours repoussé. D'ailleurs, au début, ça l'intéressait pas du tout. Il était beaucoup plus jeune, qu'elle. Et il disait que ça l'arrangeait parce que ça lui permettait d'avoir des fiancées, entre guillemets, à foison et d'avoir une couverture qu'était Mercedes, en fait. Alors, on avait dit qu'on parlerait quand même un petit peu de politique. On arrive bientôt à la fin de cette émission. La politique, on fait un grand saut dans le temps. C'est surtout le rapport avec Fidel Castro. En tous les cas, c'est comme ça que ça commence. Une attirance, finalement, pour ce régime castriste qui n'est pas le régime de l'URSS. Alors, il a été... dès qu'il a commencé vraiment à travailler et à se politiser, très à gauche. Mmh. On pourrait même dire qu'à l'époque, c'était un radical de gauche qui, au fil des ans, est devenu un social-démocrate. Mais c'est quelqu'un qui a aidé les mouvements de guérilla et en Colombie, et des guérillas marxistes. Enfin, c'est-à-dire que dès qu'il va gagner de l'argent avec son temps de solitude, il va en donner beaucoup pour ces mouvements-là. Il va aider ces mouvements-là. Je pense qu'il faut bien voir quel était le contexte politique de l'époque dans toute l'Amérique latine et de ce qu'a représenté la révolution cubaine pour l'Amérique latine. Ça a été vraiment une guerre de libération. Mmh. Et donc, bien sûr, Garcia Marquez était attiré par ce mouvement parce que cela apparaissait comme un monde nouveau, c'est-à-dire un monde où il y avait la santé gratuite, où les enfants allaient tous à l'école, où il n'y avait plus de misère. Il y avait de la pauvreté, mais il n'y avait plus de misère. Où on construisait des logements pour tout le monde. Donc, bien sûr, c'était normal qu'il s'approche de Cuba. Il a d'ailleurs travaillé pendant quelques temps à l'agence de presse Prensa Latina, comme journaliste aussi, comme correspondant. Et je veux dire, c'était notamment parfaitement logique, c'est parfaitement compréhensible. Mmh. Donc il est ami vraiment avec Fidel Castro, il a sa suite réservée à l'hôtel Riviera plus tard, de La Havane. C'est pas au début, c'est après. Mais il le restera finalement ami avec Fidel Castro. Il dira qu'au fond, parfois nationaliser les journaux, si c'est pour la bonne cause, ça n'est pas très grave. Et puis, il y a l'histoire de la pétition, puisque Vargas Llosa avait mis son nom sans le consulter sur une pétition demandant à Castro de ne plus employer de méthode stalinienne. Et là, les deux grands prix Nobel latino-américains qui étaient amis vont se séparer durablement sur cette question politique. Bien sûr, bien sûr. C'était prévisible parce que Garcia Marquez, à ce moment-là, était très engagé auprès de la révolution cubaine. Vargas Llosa avait des opinions politiques tout à fait opposées. Libéral, oui. Et il n'a pas admis que on mette son nom sur une pétition qu'il aurait désapprouvée. Là où il est vraiment latino-américain, plus peut-être que simplement colombien, c'est que il va réellement s'engager en 73 contre Pinochet qui arrive au pouvoir au Chili. Et là, il va faire cette déclaration étonnante de dire qu'il ne va plus publier tant que Pinochet sera au pouvoir, ce qu'il ne pourra évidemment pas tenir, mais tout de même, il ne publiera pas pendant un certain nombre d'années. Et il a aidé beaucoup de Chiliens à sortir du Chili, comme il a aidé des Argentins et plus tard même à Cuba à faire sortir des dissidents cubains. Je veux dire, il a toujours été... Alors, plus discrètement, parce qu'il avait une telle notoriété qu'il ne pouvait pas se permettre de faire ça au grand jour. Mais il a toujours... je veux dire, c'est un homme qui n'a jamais renié ses convictions politiques. Mmh. Qui a toujours eu une grande cohérence dans son regard sur le monde et une grande cohérence envers la construction de son œuvre littéraire. Il ne s'est jamais renié. Alors, il était aussi, en 1981, à l'investiture de François Mitterrand. Les liens avec la France, ils sont aussi un petit peu politiques ou pas tellement? Les liens avec la France sont, comme beaucoup de latino-américains qui admiraient la France parce que c'était le pays des droits de l'homme. Hein. Et d'abord, il parlait très bien le français. Il le lisait aussi extrêmement bien. Et quand un président de gauche, élu de gauche, est arrivé en France, il a effectivement tout de suite soutenu. Parce que c'était aussi une figure, et il l'a été jusqu'à la fin de sa vie, une figure reconnue dans le monde entier. Garcia Marquez. Oui, bien sûr, bien sûr. Controversé, enfin, là, le sujet a beaucoup de polémiques. Mais moi, je retiendrai, si vous voulez, de Garcia Marquez, je vais être très brève. C'est quelqu'un qui, pour se construire comme il l'a fait, pour devenir l'écrivain qu'il a fait, dans les circonstances de pauvreté, c'est quelqu'un qui avait une très grande force de caractère. C'est quelqu'un qui avait une détermination totale à devenir écrivain. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais renié. Merci beaucoup Annie Morvan. Je rappelle que vous avez donc traduit plusieurs livres de Garcia Marquez, dont son autobiographie « Vivre pour la raconter ». Elle est disponible aux éditions Grasset. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Velin et Emmanuel Morse-Duncan. Demain, on parlera du grotesque chez Garcia Marquez, ainsi que de son recueil de nouvelles « Les funérailles de la grande mémé ». Nous serons pour cela avec Rémi Astruc, puis avec Vincent Message. Mais tout de suite, c'est le retour de Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie, bonjour Mathieu, bonjour. Merci de m'accorder une petite place au retour de ces vacances prolongées, celle où se met à parler la poésie. Dans le cadre de notre grande campagne, il sera poète à 16 heures. Mais pour cela, il faut écouter, souvent, quotidiennement, la compagnie et ce qui s'ensuit, bonjour la poésie. Si l'on recherche la signification originelle de la poésie, aujourd'hui dissimulée sous les mille oripeaux de la société, on constate qu'elle est le véritable souffle de l'homme, la source de toute connaissance, et cette connaissance elle-même sous son aspect le plus immaculé. En cette amorce d'automne qui nous promet d'être toujours plus chaud, flamboyant de chez Satan pour entrer en poésie comme on entre en pétard, prêtons la plume à Benjamin Perret, mort en septembre 1959, à 60 ans, comme Rachid Tahar. En elle, la poésie se condense toute la vie spirituelle de l'humanité depuis qu'elle a commencé de prendre conscience de sa nature. En elle palpitent maintenant ses plus hautes créations et terre à jamais féconde. Elle garde perpétuellement en réserve les cristaux incolores et les moissons de demain. Ces innombrables détracteurs, vrais et faux prêtres, plus hypocrites que tous les sacerdoces de toutes les églises, faux témoins de tous les temps, l'accusent d'être un moyen d'évasion, de fuite devant la réalité comme si elle n'était pas la réalité elle-même, son essence et son exaltation. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on s'acharne à vous le montrer. Plus il y a de réalité, plus il y a de poésie. C'est Novalis qui le dit. Oui, en cette rentrée, nous aurions aimé vous parler de « L'honneur des poètes », petite brochure qui comporte un choix de poèmes publiés clandestinement à Paris pendant l'occupation nazie. Célébrer la force de résistance de la poésie, ses engagements, au-delà des promesses légères et des bricolages rhétoriques des derniers venus de la politique. Mais Benjamin Perret nous rappelle que la forme entre en équation dans ses affirmations. Pas un de ses poèmes ne dépasse le niveau lyrique de la publicité pharmaceutique, et ce n'est pas un hasard si leurs auteurs ont cru devoir, en leur immense majorité, revenir à la rime et à l'alexandrin classique. La forme et le contenu gardent nécessairement entre eux un rapport des plus étroits et, dans ces vers, réagissent l'un sur l'autre dans une course éperdue à la pire réaction. Poète, poète, encore un effort pour être... ou alors plus direct, plus franc, poétaire de tous les pays, unissez-vous, comme l'affirmait depuis sa Belgique cet énergumène de Jean-Pierre Verhaeghen dans le degré Zorro de l'écriture. Pour Henri Michaud, lui originaire de Namur, mais chut, chut, quelque chose partout, on ne sait où, rétrocède. Une impression aérienne remplace l'impression du compact. La matière a cessé d'être indiscutable. Simultanément, il s'insinue une insituable, immense, indicible, injustifiable importance, incroyablement naturelle. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Benjamin Perret, extraits du recueil « Le déshonneur des poètes ».